Bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp, qui a pour titre « Les dieux sont tombés sur la tête ». Juste pour faire un gars comme ça. Ça laisse supposer qu'il y en a une. Mais je suis pas tout... Il ne le demande pas tout le temps. Il y a souvent des journées où j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a des famines, il y a de la guerre partout, il y a des enfants qui s'entretuent, qui se suicident, des parents qui les abîment, puis Dieu est censé être juste et bon. Il y a des journées où je me demande comment il pourrait tomber sur la tête. Et ça, c'est... Alors, lui-même réglait ça en disant que Dieu était juste, c'est lui-même qui était con. Complètement con. Oui, mais si l'humain est fait à l'image de Dieu, parce qu'il dit ça aussi... Ça, c'est évident. Ça, si l'homme a été créé à l'image de Dieu, Dieu ne doit pas être juste. En tout cas. D'ailleurs, quand j'avais 3 ans, j'expliquais déjà du monde que si l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est impossible que l'homme soit déchu ou que l'homme ait fait une chute. Et ils vont dire, oui, c'est parce qu'à un moment donné, l'homme a eu un ego. Et si l'homme est créé à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu peut aussi avoir un ego. Non, Dieu est parfait. Mais l'homme est créé à l'image. Il y a quelque chose qui... Et finalement, j'ai fini par penser que c'est peut-être Dieu qui a été créé à l'image et à la ressemblance de l'homme, par l'homme. Puis là, ben là, j'ai eu une fessée. J'ai cessé de faire de la philosophie pendant quelques années. En tout cas, la philosophie orale. La philosophie de Dieu. Ah, Dieu n'était pas content. Mais donc, depuis, si on recule plusieurs milliers d'années, il y a eu des dieux, il y en a des nouveaux, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Il y a même eu une époque où il y avait des déesses, et puis il semble que... Mais les dieux sont sexistes! Les femmes ont perdu pas mal de nouveaux. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau, les dieux sont sexistes. Avant, il y avait beaucoup de déesses, c'était très bien vu, une déesse. Mais les dieux étaient sexués. Avant, les dieux couraient après les déesses pour faire des duos. Et puis, lentement, ben là, pour ça, les dieux étaient aussi en amour avec les femmes humaines, puis ça a créé des demi-dieux. Puis des demi-déesses, puis des corps de dieu, puis des corps de déesses, puis etc. Les demi, c'est qui était à l'image de qui, là, pour être entre les deux? Ben, Hercule, c'était un demi-dieu, puis on a eu un paquet de demi-dieux. Ce qui est intéressant dans ce que tu amènes, Charles, c'est que, effectivement, il y a eu dans le passé humain un paquet de dieux, et ces dieux-là sont morts, ces dieux-là sont disparus, et les êtres aujourd'hui, l'être humain d'aujourd'hui, qui adore ou croit encore dans des dieux, d'autres dans des divinités, ne fait pas de plat avec les dieux qui, historiquement, avant, étaient réellement la puissance majeure à l'échelle planétaire. On tuait pour ces dieux-là, on convertissait pour ces dieux-là, on mourait pour ces dieux-là. Ces dieux-là sont disparus, et aujourd'hui, on continue à prétendre que le dieu que j'aime et que j'adore aujourd'hui est le vrai dieu. Exactement comme les Romains disaient de Jupiter, puis comme les Grecs quand ils parlaient de Zeus, puis comme les Égyptiens quand ils parlaient de Ra. C'était le dieu. Si on est passé de dire les dieux à Dieu. Non. Dans certaines évolutions, dans certaines émancipations spirituelles, à un moment donné, il y a des personnages qui se sont rendus compte que le polythéisme, la pluralité des dieux avait une problématique, c'est que toi, tu adorais un dieu parmi l'égrégore céleste, le monde de ces dieux-là. Tu adores un dieu, lui adore un autre dieu, lui un autre dieu, moi un autre dieu, puis à un moment donné, ce qui arrivait, c'est qu'apparemment, les dieux se faisaient de la chicane dans le ciel, dans leur monde, et parce que les dieux se faisaient de la chicane, ben les dieux te glissaient à l'oreille d'aller tuer un tel. Fait que t'allais le tuer, puis là, le dieu était en beau maudit son dieu à lui, puis là, lui, il allait organiser l'autre pour qu'on vienne t'éliminer, puis les dieux se faisaient la guerre, amenant l'homme à se faire la guerre. À un moment donné, il y a eu Moïse, puis il y en a eu plusieurs autres, parce que dans d'autres religions... Mais est-ce que c'est les humains qui disaient ça, que les dieux se faisaient la guerre, ou ils se faisaient réellement la guerre? Ils se faisaient réellement la guerre. Puis l'humain le constatait. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a des personnages qui sont arrivés, et qui ont dit qu'il y avait un boss. Mais à l'époque, il y avait aussi un boss. Il y avait, par exemple, on parlait de Jupiter, le dieu romain, l'équivalent de Zeus, le dieu grec. Il y avait un dieu, le dieu des dieux. C'est intéressant déjà, le dieu des dieux. Les dieux devaient adorer, bon, en tout cas. Alors, le dieu des dieux, et en dessous, on l'écoutait pas trop, on l'écoutait des fois, puis c'était un dieu, évidemment, de colère et de vengeance, avec des armées, etc. Et puis, ce bonhomme-là est arrivé en disant, écoutez, il n'y a pas un paquet de dieux, il y a un seul dieu, et il y a des subalternes. Bon, parce que l'Église catholique romaine, aujourd'hui, on parlera d'un dieu, plus les archanges, plus les anges, plus les prophètes, les élus, saints, les béatifiés. On a encore notre pyramide qui est identique à ce qu'on avait à l'époque de Zeus, de Ra ou de d'autres divinité, sauf que l'humain a, par principe, aujourd'hui, l'obligation à partir de ces monothéiseurs-là, ceux qui ont amené le monothéisme, l'humain avait l'obligation de prier non plus à lui, à lui ou à elle, mais de traverser tout ça pour aller prier la tête. Puis la tête devait déverser par la suite les messages sur les entités, donc sur les dieux secondaires. Est-ce que c'est tout le temps les mêmes entités qui changent de nom? C'est une grosse question. Souvent, non, quelquefois, oui. Prenons l'exemple encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui ne prient jamais Dieu, mais qui prient Saint-Joseph sans arrêt. Il y a des personnes qui ne prieront jamais Dieu, mais qui vont prier la Vierge Marie sans arrêt. Alors, on a encore, dans notre religion monothéisale, on a encore du polythéisme, où on a des individus qui vont adorer tel saint toute leur vie, et ils ne prient pas Dieu. D'ailleurs, ça a créé un paquet de religions qui sont différentes, quoi, qui se ressemblent beaucoup, mais une va dire que cette religion-là croit à tout ce qui est dans la Bible, sauf à la Vierge Marie. L'autre religion croit à tout ce qui est dans la Bible, sauf un tel. Fait que finalement, il y en a qui croient à tout ce qui n'est pas dans la Bible. Ou à tout ce qui est dedans. Mais c'est ça. Oui. Il y a un immense mélange là, dans les croyances, autant qu'il semble y avoir un mélange en haut. Pour les mêmes dieux, il y a les Témoins de Jéhovah, il y a les Mormons, ils vont tous être d'obédience soit catholique ou chrétienne, mais finalement, ça a l'air d'être tous des sectes bien différentes. Bon, premièrement, on a des pays qui se font la guerre. Bon, la majorité des guerres dans le passé étaient des guerres religieuses. C'est-à-dire que c'était au nom des dieux, au nom des clans, au nom de l'insulte faite aux ancêtres, au nom, on va résumer, au nom des dieux. La majorité des guerres, pas tous, certains étaient des guerres de territoire, mais la majorité des guerres de territoire étaient des guerres religieuses. Alors, les personnes partaient, ils allaient conquérir un autre territoire, et là, ils prenaient les populations, ils les tuaient ou ils les convertissaient. Originalement, on les tuait, c'est-à-dire qu'on coupait toutes les têtes, on tuait tout le monde, parce que les humains sont des alimenteurs des dieux. Alors, en tuant tous les humains de la tribu voisine, tu tues le dieu voisin. Parce que les humains ne peuvent plus alimenter le Dieu. OK. Comment un sacrifice comme ça, ou des meurtres, ou de la souffrance, peut alimenter des dieux, et le bon, et non pas un autre à côté? Là, comment ça se partage, ça? Bon, ça serait long à t'expliquer. Tu referas mon séminaire. Ça serait long à expliquer un peu, mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'au départ, l'être humain... Bon, je vais résumer, c'est pas nécessairement clair, puis je ne supporterai pas ce que je vais dire, c'est-à-dire que je donnerai pas de preuves et d'arguments, ça va être trop long. Mais l'être humain se donne des noms. Ben, les dieux donnent des noms à l'humain, l'humain se donne des noms à lui-même. Par le nom, le nom qu'on donne à un être humain, c'est un canal qui est créé dans l'énergie vitale, dans le plan astral, et qui permet de relier l'âme, donc le principe d'un dieu, qui habite l'humain, à l'égrégore de ce dieu-là. Ça veut dire que si tu fais partie de l'Église catholique, sur ton baptistère, on va trouver au départ Joseph, mais que tu es un homme, Marie, c'était une femme, parce qu'au départ, l'Église catholique insiste et tient énormément à ce que l'enfant soit, par son nom, relié au bon Dieu, au bon égrégore. Alors, on prendra des noms des personnes qui étaient là comme précurseurs de l'empire religieux. Si tu es juif, on t'appellera Isaac, on t'appellera Rebecca, on t'appellera un nom du genre. Si tu es, par exemple, musulman, tu auras un nom relié à l'égrégore musulman. Si tu es amérindien, ce sera un nom relié à l'égrégore amérindien, etc. Alors, quand tu rentres chez les Témoins de Jéhovah, la première chose qu'on fait, on te rebaptise. Chez les Mormons, on te rebaptise. Chez les Christians, on te rebaptise. C'est important, en te rebaptisant, on te coupe du canal d'un dieu, on te branche au canal de l'autre dieu. Tout ce que tu vas vivre émotivement, en bien et en mal, ainsi que ta mort, va nourrir ce dieu-là, le dieu auquel tu vas être relié. Comme dans le temps des croisades, il n'avait pas compris ça, il coupait la tête. Au lieu de rebaptiser, quand il allait pour convertir... L'Empire ottoman avait compris, les musulmans, eux, ils convertissaient. C'est-à-dire qu'ils disaient, t'es converti ou tu meurs. Fait qu'il y en a plusieurs qui sont morts, puis il y en a plusieurs qui sont convertis. Mais il devait pas être convaincu. Tu sais, moi, si tu te convertis ou tu meurs, Faire bien attention, c'est que les dieux ne demandent pas que tu sois convaincu. Les dieux, tout ce qu'ils demandent, c'est que tu fasses un rituel particulier. Puis en faisant un rituel, qui est une habitude divine, un rituel, en faisant un rituel, tu nourris ce dieu-là. OK, j'ai pas besoin, moi, de croire à ce que non. je fais. Non. Non, mais il reste quand même qu'à l'époque, être attaché à un dieu, ça avait une importance qui est probablement au moins 1000 fois supérieure à ce que nous autres, on accorde à ça. Ouais. Celui qui disait « je change de dieu », c'était tout un contrat qu'il faisait. Ben, la majorité préférait mourir, parce que vu qu'il n'y avait pas suffisamment d'intelligence dans l'humain, qu'il y avait surtout l'emprise de l'âme, ben, l'âme qui est la partie non évolutive qui appartient à un égrégore divin, autrement dit, le dieu dans l'homme préfère que le corps meure, que de perdre ce qui est investi dedans. Ah, parce que là, il récupère. Oui, parce que si on fait une conversion, tout ce qui habite le corps est volé à l'autre Dieu et branché à un prochain égrégore. Là, actuellement, le Dieu des chrétiens doit être en perte de vitesse, étant donné que les catholiques ne pratiquent pas. Oui. Le fait d'être pratiquant, ça a un avantage pour les dieux. Tu bouges dans le rituel, donc tu nourris. Et nécessairement, le fait de ne pas pratiquer, lentement, il y a un dieu qui est en perte de vitesse, donc il est lentement en train de s'essouffler. Et ce dieu-là va avoir tendance à essayer de changer de nom, de créer des ectopicités, de créer d'autres petites des sectes. Avant, on créait des ordres monastiques, ce qui est une forme de secte. On créait un ordre monastique qui était rattaché par le Vatican à l'égrégore. Et on va, Dieu s'essaye comme il peut. Aller chercher de plus en plus de monde de différentes manières, finalement. Ça, c'est essentiel. Les dieux ont besoin d'alimenteurs humains. Cela veut dire que la première loi d'un dieu va être de porter la bonne nouvelle et de convertir. Ce que les chrétiens ont voulu faire, ce que les musulmans veulent faire, ce que toutes les religions, finalement, veulent faire, c'est de convertir parce que c'est la preuve suprême que tu aimes ton dieu, c'est d'aller chercher d'autres alimenteurs pour ce dieu-là et d'en éliminer pour le dieu du voisin. Bon. Mais là, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on parle comme ça, on peut se dire... voyons, Dieu, c'est autre chose que ça. C'est pas juste un phénomène qui se nourrit de l'émotivité humaine, des souffrances de l'homme comme des plaisirs de l'humain. Il faut comprendre, quand je parle des dieux... C'est ça, de qui on parle exactement, là? Ben, il n'y a pas de qui, on parle des dieux. Bon, mais comme le Dieu, c'est pas une personne. Bon, ces dieux-là, là, sont dans l'astral. C'est Dieu. C'est ça, c'est... Ben, habituellement, c'est ça. C'est ce qu'on faisait. Ben, c'est comme ça. Sont dans l'astral. Oui, ils sont dans l'astral, il faut savoir ce que c'est l'astral, mais l'astral, c'est le ciel. Donc, les dieux sont dans le ciel. Sont-ils tous au même niveau? Ils sont tous au même niveau du point de vue de ce qu'ils sont en tant que principe. Ils ne sont pas au même niveau en ce qui concerne leur puissance. Ça dépend de combien de... C'est ça, combien de... Plus il y aura d'alimentaires fanatiques, plus un dieu pourra être puissant. Alors, évidemment, les dieux sont morts à travers le temps. D'autres dieux, certains dieux ont changé de nom, donc ils se sont refait une image. Et ils ont pu traverser le temps, en arriver jusqu'à aujourd'hui, à travers les messes à gogo, etc. Les bingo. Oui, les bingo, effectivement. Tout est bon pour ramasser les arbres. Il y a eu une époque, en tout cas, si on regarde historiquement ce que les dieux ont fait, et ça, c'est important de comprendre. J'ai déjà parlé de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est que l'être humain a accès, et j'explique souvent, que l'être humain n'est pas bâti pour prendre une décision. L'être humain n'a pas ce qu'il faut pour faire un choix dans sa vie. Il n'est pas capable. Il n'y a rien, il n'est pas bâti pour ça. Alors, ce qui arrive, c'est que l'être humain a de l'information à gauche, il va là. Il y a de l'information à droite, donc ça crée deux informations qui sont contradictoires. Ça va créer chez lui une dissonance. Dissonance cognitive, dissonance en fonction de la connaissance. Donc, tourne à gauche, tourne à droite, l'humain est en dissonance cognitive immédiatement. Et là, l'humain va de toute façon pencher pour un bord ou pour l'autre en fonction de ce comment il est manipulé. Et l'humain va maintenant récupérer la dissonance, c'est-à-dire que l'humain va maintenant rationaliser, va dire « moi j'étais à droite parce que, ben non, moi j'étais à gauche parce que, mais de toute façon, c'est pas lui qui a décidé. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se récupérer en face de la dissonance cognitive, on constate chez l'être humain que plus ça va mal, plus il croit dans la source qui l'amène à aller vers le bien. Autrement dit, sur la planète Terre, les populations les plus croyantes en Dieu sont celles qui vivent dans les plus grandes souffrances. Les populations les plus croyantes en Dieu sont les populations les plus sous-développées. Les populations les plus croyantes sont les populations les plus pauvres. Mais c'était pas alors comme ça, hein? Ça a toujours été comme ça. Toujours. Les personnes malades sont croyantes. Les personnes qui sont sur le bord de la mort sont croyantes. Les personnes se convertissent avant de mourir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crois en Dieu, la preuve que Dieu existe, c'est que tu es dans la merde comme tu n'as jamais été dans la merde. Plus l'humain souffre, plus l'humain croit. Alors que plus l'humain est confortable, moins l'humain croit. Est-ce que c'est quand il souffre puis qu'il croit en Dieu, est-ce que c'est parce finalement que ça lui donne une raison à sa souffrance? Non. Parce qu'il a perdu le contrôle de sa vie. De toute façon, c'est l'espoir de s'en sortir. C'est parce qu'il a perdu le contrôle de sa vie. Là, il réalise qu'il n'a pas eu le contrôle pour se ramasser. Dans c'est ça. Donc, comme quelqu'un besoin d'autre. D'être quelque chose, ben là, il est plus facilement capable de se relier à un phénomène qui va lui dire « Je t'aime ». Et là, évidemment, les dieux ne peuvent pas, les dieux, premièrement, n'ont pas intérêt à faire en sorte que l'être humain soit heureux sur la planète Terre. Donc, les dieux vont dire à l'humain, tu souffres, mais je veux t'évaluer, je te vérifie, je veux t'éprouver. Mais dans une fois mort dans le ciel, là, tu vas être heureux. Ils te retirent sur la planète Terre 200 ans plus tard, puis tu recommences. Bon. Il n'y a aucun dieu qui a intérêt à ce que l'humain soit heureux. Non. Non, parce que quand l'être humain est bien, l'être humain se conscientise. Puis quand l'être humain est mal, il arrive à s'écœurer, puis il arrive à s'écœurer, puis là, il se conscientise. Alors, normalement, les dieux vont faire en sorte que quand ça va vraiment, vraiment mal, au-delà de tes limites de support, là, les dieux vont s'arranger pour améliorer ta vie, pour que tu ne tombes pas dans l'écœurement, parce que ça va te rendre intelligent. Là, tu vas finir par découvrir ce que c'est que le monde, et tu vas découvrir ce que sont les dieux. Et si tu es trop bien, mais vraiment bien, d'ailleurs, les personnes qui, par exemple, vont être riches, souvent, plusieurs vont vivre des problématiques, bon, de drogue, d'alcool, de recherche au niveau sexuel, de fraude, bon, pas tout le monde, mais on se rend compte que les gens qui, théoriquement, ont tout ce qu'il faut pour être heureux ne le sont pas plus, ils sont plus confortables, mais ils ne sont pas nécessairement plus heureux que les gens qui n'ont rien. Parce que tout le temps, on s'arrange pour que l'humain monte, puis quand l'humain, dans son bonheur, arrive à un certain niveau, on le plante. Puis quand il arrive dans son malheur à un certain niveau, on le remonte. Et puis là, ça s'en va comme ça. Une vie sinusoïdale, c'est ce que l'humain vit. Pour comprendre la mécanique des dieux, et moi, ce que je veux qu'on comprenne bien, c'est que, et ça, il faudra que vous me posiez ces questions-là à un moment donné, c'est que si les dieux sont comme ça, qu'est-ce qu'il y a en haut des dieux ou qu'est-ce qu'il y a... Non, mais avant de passer à ça, là... C'est ça, avant de passer à ça, j'ai autre chose à dire. Plus on a la preuve de ce que c'est, plus les gens croient à ce que c'est beau. Plus tu te fais taper dedans, plus tu penses que Dieu est bon. Non, mais t'espères t'en sortir. Moi, je comprends quand même au niveau de l'ego et de la mécanique, là. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que pendant longtemps, l'être humain a fait des sacrifices humains. Hein? L'être humain, les dieux demandaient des sacrifices. Les dieux demandaient qu'on tue les plus beaux enfants. Bon. Et puis moi, ce que j'explique régulièrement, dans une partie du séminaire entre autres, mais là, je ne vous résumerai pas ça, je vais vous faire un petit résumé, mais je n'expliquerai pas tout, ça serait beaucoup trop long. Mais c'est que, à l'époque, toutes les religions, y compris l'ancêtre des religions catholiques, et l'Église catholique a continué, l'Église chrétienne a continué avec les mêmes rythmes, mais toutes sur la planète Terre, les Mayas, les Incas, les Égyptiens, les Romains, les Teutons, toutes, ils sacrifiaient des humains. En Polynésie, on faisait la même chose pour éteindre un volcan. Il fallait en mettre des humains. Essayez d'éteindre un volcan dans 5 humains. Il fallait en mettre en maudit. Il fallait en mettre du monde. Éteindre un volcan. En tout cas. Les autres essayent ça pour boucher le trou du déficit. Ben, c'est ça. Ici, ouais. Ce qu'ils veulent faire, c'est sacrifier. Ils prennent tous nos chèques puis ils mettent ça dedans. Ce qui arrivait simplement, c'est que plus l'être humain a une génétique forte, plus il a de chances d'être intelligent et d'être conscient. Donc, si on améliore la race humaine de génération en génération, on va rapidement arriver à comprendre ce qui se passe. Alors, les dieux demandaient immédiatement à l'être humain de sacrifier les plus beaux enfants, garçons ou filles, aux dieux. Et là, le dieu se calmait. Ce que ça faisait, simplement, le dieu se calmait pas nécessairement parce que sur la planète Terre, les événements vont et viennent. Hein? À un moment donné, ça arrête un volcan. Quand le mandataire, ça passe, puis à un moment donné, il se met à pleuvoir, il se met à cesser de pleuvoir. Et là, ce qui arrivait, c'est que l'humain sacrifiait ses plus beaux enfants, donc l'humain sacrifiait ses plus belles génétiques, donc les plus beaux reproducteurs, gars et filles. De ce fait, la génétique humaine restait tarie. Quand, à un moment donné, l'humain, à travers le temps, malgré tout, finit par en avoir le bol de sacrifier ses enfants, mais subitement, les dieux ont dit, on ne vous demande pas de sacrifier vos enfants. Vous savez, les moutons, les bœufs, vos plus beaux moutons, il fallait qu'on se donne, qu'on se garde la plus piètre nourriture. Finalement, votre plus beau blé, il fallait qu'on se garde les plus mauvaises graines pour replanter. Et puis l'Église catholique, ben, même à l'époque du Nazaréen, on allait encore sacrifier ses chèvres, ses bœufs, etc. Mmh. Mais antérieurement, pas longtemps avant, on sacrifiait encore les humains. C'est au Dieu. C'est au Dieu. Si on regarde, par exemple, juste dans la Bible, on va lire à un moment donné qu'il y a un bonhomme qui doit prendre un de ses garçons, monter sur le haut d'une montagne, puis le sacrifier à Dieu. Bon, Dieu a arrêté son bras à la dernière minute, bon, OK. Mais comme quoi, c'était courant à l'époque. Bon, mais lui, ce gars-là, qu'est-ce qui est arrivé, là? Il s'est conscientisé tout à coup, ou c'est, il a... Ah, elle risait, elle pense que Dieu a pas arrêté son bras. C'est le gars qui s'est dit, écoute, qu'est-ce que je fais là? Mais c'est arrivé de quoi pour qu'il ne fasse pas? Oui, il y en a d'autres, des bandits qui ont tué ses enfants, mais Dieu lui en a donné d'autres après. Mais à l'époque, là, même si on ne tuait pas tes enfants, tu n'en avais d'autres après. Il y en avait, hein? Il y avait 15, 20 enfants. Mais c'est ça, mais ça veut dire ça que Dieu, mettons comme ceux quand il tuait un enfant pour qu'il pleuve, par exemple, ça veut dire que Dieu, il faisait pas pleuvoir, il n'y avait pas quelque chose, il faisait rien. Non, et c'est pourquoi les sorciers souvent, ou les prêtres, quand ils se rendaient compte que Dieu n'avait pas le contrôle, enfin bref, lui ce qu'il disait, puis manipulé par les dieux évidemment, c'est qu'il allait dire aux gens que Dieu m'a dit de... Puis là, lui, il profitait de tout le monde. Le bétail, c'est lui qui le mangeait. Il fallait bien qu'il le mange pour offrir à Dieu. Mais dans le principe ésotérique pur, c'est sûr que quand le prêtre mange votre brebis, bien, Dieu s'en nourrit. Parce qu'un humain qui est en extase de bouffer comme du monde pendant que les autres s'en vont là-bas, Dieu s'en nourrit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si Dieu existe, comme l'humain veut le croire, un Dieu de paix, un Dieu de bonté, un Dieu pur, un Dieu qui nous aime, bien, il est tombé sur la tête. Regarde la terre. Sans ça, ce Dieu-là n'existe pas. Il existe des dieux créés par l'homme, à l'image de la ressemblance de l'homme, des dieux qui se sont jalousés, des dieux qui se battent encore actuellement aujourd'hui. Puis c'est facile de récupérer. Bon, par exemple, pourquoi y a-t-il plein de religions? Alors, un prêtre de X religion que ce soit va dire... L'homme est sur des fausses voies. L'homme a quitté la voie de mon Dieu. Bon, maintenant, c'est un Dieu catholique. L'homme a quitté la voie de Dieu. Et pourquoi l'homme a quitté la voie de Dieu? Ah, parce qu'il n'a pas été suffisamment fort. Ben, pourquoi Dieu ne l'a pas fait suffisamment fort? Ah oui, mais Dieu l'a fait suffisamment fort. C'est lui qui? Et comment ça, c'est lui qui? Quand tu arrives face à face avec un extraterrestre qui te dit, c'est moi Dieu, là. Mais Dieu veut qu'il n'a pas l'envoyé, l'extraterrestre. Dieu veut juste à pas l'envoyer, le prophète là-bas. Dieu veut juste à pas faire naître Mahomet si c'est pas lui qui a raison. Dieu veut juste à pas envoyer Jésus si c'est pas lui qui a raison. Dieu veut juste à pas créer Siddhartha Gautama, Bouddha si c'est pas lui qui a raison. Non, Dieu fait ça pour éprouver l'humain. Mais c'est drôle. Moi, j'étais tout jeune, puis déjà, je me demandais qui a raison. Et c'était pas pour m'éprouver. Dieu a envoyé tout plein d'affaires apparemment, puis là, il m'éprouve. Mais il y en a un qui tombe là-dedans. Il y en a un que ses parents l'éduquent là-dedans. Il s'en va là-dedans. Il y en a un autre, ses parents rentrent dans le témoin de Jéhovah, puis les enfants qui naissent sont témoins de Jéhovah. Puis là, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il y en a d'autres qui vont être amérindiens, d'autres vont être aborigènes en Australie. Mais il y en a plusieurs qui vont dire bon, que ces différentes religions-là, dans le fond, c'est tout le même Dieu. Est-ce que c'est vrai que c'est tout le même? Est-ce que Yahvé, c'est identique à Allah, qui est identique à Jéhovah? C'est-tu vrai que c'est tout le... J'ai vu leur photo, puis c'est pas tout à fait pareil. Mais est-ce que tous ces dieux-là sont placés, tantôt on les échelonnait, disons, énergétiquement, dans l'astral? Au-dessus de l'astral, c'est le ciel. Bon, on disait que Dieu est au ciel, mais que le Père est aux cieux. C'est quoi la différence entre les cieux, le ciel? Est-ce qu'il y a une hiérarchie qui est plus haute que celle qu'on a parlé tantôt? Les dieux sont dans le ciel. Au-delà du ciel, il y a ce qu'on peut appeler les cieux. Ce sont des termes théologiques qui sont devenus des termes ésotériques. Historiquement parlant, on peut prétendre, par exemple, que les cieux, c'est simplement parce qu'avant, l'humain pensait qu'il y avait des sphères, une autour de la Lune était sur une sphère, c'était un ciel, Mars était autour d'une autre sphère, c'était un deuxième ciel, donc les cieux étaient les différents paliers orbitaires des planètes. Au niveau du langage nazaréen, lui, il était fils de son père dans le ciel, progressivement, se conscientisant, il a fini par dire qu'il était le fils de son père dans les cieux. Donc, lui admettait déjà qu'il était au-dehors du ciel. C'était plus le même, le père dans le ciel, puis le père dans les cieux. Non, c'est deux. Et finalement, vers la fin, quand on lui demande, il est le fils de qui, il répond, je suis. Donc, il était devenu, pour lui, il était devenu Dieu. Il n'était plus le fils de personne. Bon. Si on regarde, donc, les cieux, qu'est-ce que c'est? Ésotériquement parlant, on peut parler, disons, de la matière. On peut parler de la mémoire atomique de la matière, l'énergie vitale. L'énergie vitale, elle existe de différentes formes. Une des formes plus évoluées, c'est l'énergie vitale qui va permettre la croissance. Alors, si on prend une pomme qui est verte, on la met sur une table, elle va continuer à mûrir. parce qu'il y a de l'énergie vitale dedans qui permet la croissance, qu'on pourrait appeler la vie. Bon, une roche non, puis un morceau de viande, quand tu l'as tué, l'énergie vitale part trop vite, la viande oublie sa mémoire et elle pourrit. Au-delà de cela, il y a l'énergie mémorielle émotive, qu'on va appeler le plan astral. Le plan astral qui, lui, s'est divisé, qui est constitué de mémoire, de désir et d'émotion. Puis la relation entre les mémoires, le désir et l'émotion, c'est la psychologie. La théologie sera la même chose. Et au-delà du plan astral, donc le monde de la mort, le ciel, au-delà du plan astral, il y a le plan mental. L'intellect, c'est le mental naissant, un ajusteur psychologique. Au-delà du plan mental, il y a maintenant, là on vient de sortir du ciel, et là on arrive dans les cieux, il y aura le plan de l'intelligence instantanée, que certains appellent aussi le plan supramental, ou le plan du mental supérieur. Dans, au-delà du, de l'intelligence instantanée, il y a le plan de l'amour instantané, que les gens appellent aussi plan bouddhique, ça n'a rien à voir avec Bouddha. Et au-delà du plan de l'amour instantané, il y a le plan de l'intentionnalité, que les gens vont aussi appeler le plan divin, mais qui n'a rien à voir avec l'image, le concept que l'humain se fait des divinités ou des dieux. En ce qui concerne Jéhovah, Yahvé, etc., qu'est-ce que c'est? Premièrement, chaque être humain va se relier à un égrégore, et comme l'humain a un nom en fonction d'une reconnaissance énergétique, lui aussi aura un nom de Dieu. Historiquement parlant, dans le passé, on disait que Dieu avait 7 noms. L'homme pouvait en connaître 3 selon certaines religions, d'autres, l'homme pouvait en connaître seulement 1. Il y a des dieux inconnus, des noms inconnus aux dieux. Pourquoi? Parce que l'homme, s'il connaît tous les noms d'un dieu, il contrôle le dieu. Alors, il y a des noms. Le Nazaréen connaissait certains noms. Il avait la capacité, au niveau de son centre laryngé, d'être capable de phasiologiser une onde de forme. Donc, il pouvait déposséder un individu juste à trouver le nom clé de l'entité qui possédait un individu. Et après, il parlait à l'entité, ça s'en allait. Au niveau des divinités, il y a des noms particuliers qui s'adressent à des entités particulières. Si on regarde, par exemple, mon père, c'est une entité particulière qui porte le nom « mon père ». Si on regarde Dieu, quelqu'un qui prie Dieu ne prie pas la même divinité que quelqu'un qui prie mon père. Mais mon père, c'est une entité. Oui. Chez les Mormons, par exemple, on va souvent parler du père. Plus que chez les chrétiens qui vont parler de Dieu ou de Dieu le Père. Mais encore là, Dieu le Père et Dieu, c'est 2 entités. Puis est-ce que Dieu le Père et mon père, c'est 2 entités. Un peu comme la Vierge Marie. Combien y a-t-il de Vierge Marie? Eh bien, il y a Notre-Dame de la Guadeloupe, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes, puis il y en a plein de Notre-Dame. Et ce sont tous des entités mariales, reliées à la Vierge Marie, qui sont tous totalement différents et qui proviennent d'une même obédience grégorienne, donc de l'Église catholique romaine. C'est toutes des Maries différentes. Ça veut dire que c'est tout dans l'astral, ça. Oui, c'est tout dans l'astral. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est qu'on va rencontrer donc des divinités en fonction de l'expérience des peuples. Chaque peuple va finir par se croire le peuple élu de Dieu, mais c'est logique parce que le peuple est relié à son égrégore divin. Il est le peuple élu de cet égrégore-là, donc de ce Dieu-là. Et chaque peuple va donc prétendre à être le peuple élu, ce qui est un fait. Ils ont toutes raison. Ils ont tous raison. Et là, parce que les dieux se font la guerre, l'humain se fait la guerre. Puis l'humain, plus l'humain va se conscientiser, plus il va expliquer rationnellement, évidemment, son phénomène. Pendant longtemps, la seule façon de rejoindre Dieu rapidement était de mourir violemment. Il se trouve que quand l'être humain meurt, moi je passe des détails, mais quand il gagne le monde de la mort, le ciel, il passe par une phase purgatorielle où tous les éléments qui ne font pas partie de l'expérience de l'égrégore de son Dieu sont digérés. Un être humain qui meurt violemment, par son sang qui coule, le sang en coulant entraîne énergétiquement la majorité des vibrations très planétaires de son âme. Donc,